qui boit du jus de tomate, moi et mon café noir, on la mate. La fille au coin du bar qui boit du jus de tomate, elle feint de pas me voir, mais je sais que je l'épate. Finirai-je coin du bar, du rhum dans mon café noir, avec la fille du coin du bar à lui mentir comme un connard, ou fuirai-je comme un trouillard les étincelles de son regard, le mien dans le marc de mon café noir, effaçant ses traits de ma mémoire. La fille au coin du bar qui boit du jus de tomate, moi et mon café noir, on la mate. La fille au coin du bar qui boit son jus de tomate, elle feint de pas me voir, mais je sais que je l'épate. La fille au coin du bar qui boit son jus de tomate, moi et